Où tu étais dimanche dernier ? À Grenoble, chez ma sœur. Et la veille au soir ? À Lyon, chez ma tante. Et qu'est-ce que tu veux savoir encore ? Où j'étais l'avant-veille, et 3 jours avant, et la semaine précédente ? Oh, ça va, ne te fâche pas comme ça.